Je veux fuir ce silence, rongé par ton absence. La solitude et la douleur sont les seules couleurs de mon cœur. C'est dans mes rêves, c'est dans mes rêves, où tout s'achève. C'est dans mes rêves, on partage des sentiments. C'est dans mes rêves, on ne demande plus rien autant. C'est dans mes rêves, juste un regard, un éclat de rire, ton visage gravé dans mes souvenirs. Tu hantes mes pensées jour et nuit. Je ne reconnais pas ton odeur. Tout cela me fait peur. Des flashs qui défilent dans ma tête. Les larmes aux yeux qui scintillent. La vie avant, je t'aime en silence. Je veux fuir ce silence, rongé par ton absence. La solitude et la douleur sont les seules couleurs de mon cœur. C'est dans mes rêves, c'est dans mes rêves, où tout s'achève. C'est dans mes rêves, on partage des sentiments. C'est dans mes rêves, on ne demande plus rien autant. C'est dans mes rêves. Je respire les souvenirs pour construire mon avenir. Au fond de mon cœur, ton âme remplie de douceur. Quand mes yeux se ferment, ton corps qui s'amène. Y'a que dans mes rêves que tu peux être près de moi. Je respire les souvenirs pour construire mon avenir. Au fond de mon cœur, ton âme remplie de douceur. Quand mes yeux se ferment, ton corps qui s'amène. Y'a que dans mes rêves que tu peux être près de moi. Je veux fuir ce silence, rongé par ton absence. La solitude et la douleur sont les seules couleurs de mon cœur. C'est dans mes rêves, c'est dans mes rêves, où tout s'achève. C'est dans mes rêves, on partage des sentiments. C'est dans mes rêves, on ne demande plus rien autant. Toi ma raison, ma peau frissonne quand je me couche, car c'est qu'ici que je peux te retrouver.